Des noms de rues dans le vieux quartier, la vieille ville emmène dans une allée au peuplier. Au contour de la cathédrale, hydromagie et mystère, je me vois dans le vitrail Rosace. Des noms de rues dans le vieux quartier, la vieille ville m'emmène dans une allée au peuplier, au contour de la cathédrale. Quelques anciennes voitures de marque italienne traverse la place, elles ont enlevé leur toit, on est en été. Des noms de rues dans le vieux quartier, la vieille ville m'emmène dans une allée au peuplier, au contour de la cathédrale. L'ombre d'un planeur se reflète dans le couloir. Le musée des beaux-arts est à l'océan. Des noms de rues dans le vieux quartier, la vieille ville m'emmène dans une allée au peuplier, au contour de la cathédrale. Je rejoins Orléans après avoir enjambé le petit pont en allée. Des noms de rues dans le vieux quartier, la vieille ville m'emmène dans une allée au peuplier, au contour de la cathédrale.